Hussonnet ne fut pas drôle. À force d'écrire quotidiennement sur toutes sortes de sujets, de lire beaucoup de journaux, d'entendre beaucoup de discussions et d'émettre des paradoxes pour éblouir, il avait fini par perdre la notion exacte des choses, s'aveuglant lui-même avec ses faibles pétards. Les embarras d'une vie légère autrefois, mais à présent difficile, l'entretenaient dans une agitation perpétuelle. Et son impuissance, qu'il ne voulait pas s'avouer, le rendait hargneux, sarcastique. À propos d'Eusaïe, un ballet nouveau, il fit une sortie à fond contre la danse, et à propos de la danse, contre l'opéra. Puis, à propos de l'opéra, contre les Italiens, remplacés maintenant par une troupe d'acteurs espagnols, entre guillemets, comme si l'on n'était pas rassasié des Castilles. Frédéric fut choqué dans son amour romantique de l'Espagne. Et, afin de rompre la conversation, il s'informa du Collège de France, d'où l'on venait d'exclure Edgar Quinet et Mickiewicz. Mais Hussonnet, admirateur de M. de Maistre, se déclara pour l'autorité et le spiritualisme. Il doutait, cependant, des faits les mieux prouvés, niait l'histoire et contestait les choses les plus positives, jusqu'à s'écrier au mot géométrie. Quelle blague que la géométrie! Le tout entremêlé d'imitations d'acteurs. Saint-Ville était particulièrement son modèle. Ces calembaudraines assommaient Frédéric. Dans un mouvement d'impatience, il attrapa, avec sa botte, un des bichons sous la table. Tous deux se mirent à aboyer d'une façon odieuse. « Vous devriez les faire reconduire, » dit-il brusquement. Rosanette n'avait confiance en personne. Alors, il se tourna vers le bohème. « Voyons, Hussonnet, dévouez-vous. « Oh oui, mon petit, ce serait bien aimable. » Hussonnet s'en alla sans se faire prier.